envie d'apprendre à compter le temps, marquer ton absence par cette souffrance qui n'en finit pas de grandir en moi, étouffée de vivre, étouffée d'amour quand tu n'es pas là. J'ai besoin de t'aimer, de savoir qui je suis, cette étrange lumière qui brille sur mes nuits. Plus d'un milliard d'étoiles qui font l'éternité, une seule a suffi à me faire rêver. J'ai besoin de t'aimer, de savoir qui tu es, bercé de ton sourire. Prends mes bras pour dormir. J'ai envie d'apprendre à caresser les heures pour marquer ta présence blotti contre mon cœur, m'enivrer du parfum aux premières lueurs qui portent les matins comme un bouquet de fleurs. Quand je te vois près de moi, j'ai besoin de sacrée et mon jardin secret. Plus d'un milliard de flammes qui dévorent mon âme d'une douce chaleur. J'en appelle au bonheur et je viens te le dire et même te supplier. Garde-moi près de toi, j'ai besoin de toi.